On va parler avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, je suis content de te parler aujourd'hui. Puis vraiment là, parce que on s'en parlait pas vraiment cette année, on s'en est pas vraiment parlé. On a comme pris une pause, on a comme décroché de ça. Mais là finalement, l'année passée, on s'en parlait quasiment à toutes les deux trois interventions. La NBA de retour en français à RDS. Mais ma seule déception, c'est que tu fais pas partie du broadcast. Donc maintenant, mais moi, quelque chose de bien. Oh, ben c'est le fun. Je pense que la NBA en français a sa place à Montréal et au Québec sur les réseaux québécois. Je suis très content qu'il soit de retour. Je me considère le meilleur expert analyste de la NBA, mais le groupe qu'ils ont à RDS vont faire un excellent travail. Avec Peter Yiannopoulos que j'ai la chance de côtoyer beaucoup, Will Archambault et Max Boudreau, si je me trompe pas, vont faire partie du groupe d'analystes. Mais écoute, ça va être le fun. Je vais l'écouter, je vais pas te mentir, faut que j'aille chercher RDS2 quelque part là. mais non, je suis content. Quand j'ai eu la chance de faire ça à la télévision à l'époque, à TVA Sport, je te dis qu'il y avait beaucoup de codes d'écoute à l'extérieur du Grand Montréal. Tu sais. Okay. Quand tu t'en vas en région, tout ça. Fait que je pense que ils vont avoir un bon suivi. Je souhaite vraiment du succès. Puis le timing est bon. Puis ben, je dis le timing est bon. Je pense que le succès des Raptors a un peu forcé la main à dire hey, on a une opportunité là, de ils sont premiers dans l'Est en ce moment, les Raptors. Et puis on s'attend vraiment à je sais que le mandat d'RDS2, c'est de suivre les Raptors. Et je serais très, très surpris qu'ils perdent en première ronde. Moi, je m'attends à les voir en finale de conférence. Ben moi, je vais te dire une affaire, Pascal. Je suis pas sûr qu'en finale de conférence, mais les deux défaites, on va en reparler plus tard, là, mais les deux défaites contre les Cavaliers de Cleveland, là, je pense que ça va rentrer dans la tête. Ça peut jouer dans la tête des Cavaliers, là. Des Raptors, je te dis. On va en reparler tout à l'heure. Donc, c'était vraiment une bonne nouvelle. On le demandait. Écoute, la NBA, c'est qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, là, c'est un des circuits majeurs en Amérique du Nord. Vous ne viendrez pas me faire à croire que la NBA, il y a moins de codes d'écoute qu'une course de NASCAR, peu importe. Puis j'aime la NASCAR, là. Fait que ça a sa place au même titre qu'un autre circuit. Mais tu sais quoi, Danny, je pense que qu'est-ce qui est difficile au Québec? Et on va dire les vraies choses. Mm. Et les gens qui nous écoutent, même dans ton coin de notre beau pays, on est porté souvent à écouter en anglais. Oh oui. Pour X raisons. Ok, faut pas se mentir. La foule. Que ce soit le son direct. C'est surtout le son. Ambiant. Tu sais, moi, j'aurais aimé être physiquement sur le terrain. Puis quand j'ai commencé à TVA Sport, tu l'as fait. On était physiquement sur le terrain. Ça donnait. Les gens qui écoutaient, que je sois en studio ou non, ils voyaient pas une énorme différence, mais ils le savaient. Puis. Mm. Tu sais, souvent, on est porté à écouter dans la langue, je pourrais dire, directe. Comprends-tu? L'accessibilité aussi, au niveau de la... Faut pas se mentir, en 2018, là, que ce soit en ligne, tout ça, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du visuel. Mm-hmm. Écoute, je suis capable d'écouter la NBA en espagnol, en ligne, gratuit, en haute définition, là, facilement. Là. Puis des fois, je fais juste de baisser le son puis j'écoute la game. Tu comprends ce que je veux dire? Ben exactement, mais moi, j'ai un système. Là. J'ai une boîte Android. Moi, je paye 25$ par mois puis je l'ai. Là. Puis j'ai même NBA en France. Donc, c'est pas écoutable, là, mais en tout cas, c'est ça, c'est une autre... Ouais, c'est pas écoutable. Là. C'est comme écouter le baseball en France. Français, on rit, mais pas trop longtemps. Mais écoute, la NBA est le deuxième circuit, le basketball est le deuxième circuit au monde, et le sport le plus pratiqué après le soccer. Donc, comme un moment donné, faut que tu arrives en ville, puis faut que tu lâches un peu le Canadien, puis ça, c'est pas sans parler. Hey, on a tellement de sujets. La NBA à Montréal, as-tu vu la nouvelle de la presse cette semaine? Non. Ben, ils ont mandaté la chambre. J'en ai entendu parler, mais La Chambre de commerce a été de Montréal-Nord. La même chambre qui a été mandatée pour faire une étude de marché sur le retour du baseball a été mandatée pour une étude de marché sur la NBA. Ouais. Ça te dit quoi? Moi, là, je veux dire une affaire. Écoute, pourquoi pas? Le monde a dit jamais. Arrête une seconde. Je sais que je te vois, on en a parlé souvent. parle, ouais. Honnêtement. Ouais. Ça fait combien d'années que toi et moi, on se parle? Au moins 10 ans. C'est le 10e anniversaire cette année. Bon, ben ça fait un méchant bout qu'à chaque année, on en parle 2-3 fois. Ben oui, c'est sûr. Moi, là, je suis rendu à l'étape que je suis convaincu qu'on est capable de mettre 20 000 personnes 41 matchs. J'ai pas besoin de faire une étude de marché qui va coûter 1 million puis ils vont te redonner les mêmes résultats. Attends que l'étude de marché sorte, informe-toi comment ça a coûté, là. Puis les résultats, Danny, c'est ce que je te dis là maintenant. Écoute-moi bien. Le Centre Bell est une des meilleures et plus belles arénas en Amérique du Nord. Ouais. Capacité, quoi, 21 000? 19 à 21 000? Ouais. OK. On a un terrain flambant neuf. Standard NBA qu'on peut mettre dans n'importe quel aréna en ce moment. On l'a. Quand on a eu des matchs d'exhibition, quand la NBA venait à Montréal, on avait ce terrain flambant neuf-là. OK? Quand ils sont venus pour des matchs d'exhibition, dans les dernières saisons qu'ils sont venus, ils ont toujours, pas donné des billets, ils ont toujours rempli la place à capacité pour un match qui ne comptait pas. Un match d'exhibition. J'ai déjà donné l'exemple des Cavaliers à Atlanta, lorsque Boston et Minnesota sont venus à Montréal. Le même soir, les Cavaliers à Atlanta, avec LeBron James qui a joué, il y avait 4000 personnes dans les estrades. Hey. Puis Minnesota, avec Kevin Love à l'époque, et les Celtics de Boston, je ne me trompe pas, ont joué ici, et il y avait 21 000. OK? Maintenant, on a l'infrastructure, on a la place, ça n'a aucun rapport les joueurs locaux. OK? Il y a combien de joueurs de Toronto dans les Raptors en ce moment? Il n'y en a pas. Non. OK? Donc, c'est planétaire. OK? Si tu prends les Spurs San Antonio, il y a plus de joueurs nés à l'extérieur des États-Unis qu'à l'intérieur des États-Unis dans cette organisation-là en ce moment. Même dans les entraîneurs. OK? Ouais. Moi, mon point en ce moment, c'est pas qu'est-ce que Montréal peut faire, puis c'est quel groupe. Il y a plein de groupes. Hein. Green Hill, il veut acheter les Hawks d'Atlanta. Il y a plein de joueurs à leur retraite maintenant qui ont amassé des belles fortunes, qui sont impliqués, qui veulent. Il y a un groupe pour Seattle. Pas juste pour le basket, mais pour le hockey, je me trompe. Oui, c'est sûr. Je me trompe. Ouais. OK. Maintenant, Danny, disons la vérité. Là. La NBA a 30 équipes. Ils ne vont pas en ajouter une de plus. Ben, vous savez, on n'a pas dit qu'il ne fermait pas la porte éventuellement. Non, mais. Sont où les Nordiques? Non, oui, c'est sûr. C'est sûr. Hey, ils ont tout mis, puis il n'y a pas d'équipe de hockey à Québec. Ben non, Écoute, on est au Québec. On a construit un aréna, moitié privé, moitié les gens qui payent des taxes. On n'a pas encore d'équipe de hockey. On parle du hockey au Québec. Ouais. Ils ont fait une étude de marché. Ils ont prouvé qu'ils ont fait une marche. Il y avait quoi, 60 000 personnes ou je ne sais pas combien. Là. Tu comprends-tu? Non. Il n'y a pas d'équipe de hockey. Moi, il va y avoir une équipe, selon moi. De c'est un propriétaire qui dit, moi, je déménage, exemple, Memphis, okay. À Montréal, c'est possible. OK? Mais Silver, va pas dire, bon, on va passer à 32, on va ajouter Montréal puis Mexico City. Parce que la ville du Mexique, Mexico City, 25 millions d'habitants. Ouais. Ça, c'est vendeur. OK? Ça, c'est vendeur. On est d'accord avec ça? Ouais. Ils vont toujours, presque à chaque année, jouer au Mexique. Moi, je vais être honnête avec toi. Dans ma vie, j'aimerais ça qu'il y ait une équipe à Montréal pour mes garçons. OK? Ouais. Moi, je ne sais pas si je vais avoir la chance de voir ça. J'aimerais ça. Mais je pense que je vais avoir plus de chances de voir Paris contre Londres, une conférence en Europe, avant une équipe à Montréal. C'est mon opinion. OK. Mais Pascal, là-dessus, quand tu dis 20 000 personnes par match, tu n'as aucun doute là-dessus, 41 matchs. Reste que l'interrogation que j'ai, c'est que la crowd de la NBA, c'est pas le crowd de la Ligue nationale. Là. C'est des gens plus jeunes. Est-ce que les gens sont capables de donner payer des billets, des 100, puisque la NBA, c'est cher, les billets, c'est encore plus cher, je pense, qu'au Centre Bell. Ouais. D'autres sommes d'affaires, là. On dit que c'est plus jeune. Premièrement, les gens qui vont voir les Canadiens, qui payent à chaque année. Là, non, c'est des compagnies. Ouais, non, mais grosso modo, mais il y a un paquet de jeunes hommes d'affaires, il y a un paquet de gars, je dirais, entre 25 à 50, c'est qui vont à Toronto, qui ont des billets de saison à Toronto, qui vont à Charlotte. Moi, j'en connais plein ici là, qui se promènent pendant la saison NBA. Là. Puis, je m'excuse, mais c'est pas vrai qu'il y a plus d'argent de corporation pour les Canadiens qu'il y en aurait pour la NBA. Maintenant, les Canadiens, c'est les Canadiens. On va pas se l'enlever. Là. Mais il y a des gens qui vont... Écoute, tu prends la liste de compagnies. Walmart, là, ils vont investir dans une équipe de NBA. parce qu'ils savent qu'ils ont leur clientèle. Je te donne un exemple demain. Ça, là, moi, là, ça, je m'inquiète pas. Je suis convaincu que pendant les, je dirais, 5 premières années de cette équipe-là à Montréal, il y a en moyenne 17 000 personnes. Je suis convaincu. Ouais, c'est sûr. Ben, en tout cas, oublie pas, la NBA, ce que les Canadiens de Montréal ont oublié dans leur niaiserie avec Piqué-Souban, c'est que Piqué-Souban vend des billets. Plus que n'importe quel joueur qu'ils avaient sur leur équipe. OK? Fait qu'ils ont échangé quelqu'un. Voici le résultat en ce moment. Puis j'ai entendu, je pense que c'est toi qui en avais parlé il n'y a pas longtemps, ou c'est sur la radio, que des gens qui n'avaient pas renouvelé le billet de saison avec les Canadiens de Montréal. C'est ailleurs, ça. Ça fait. Non, mais mon point dans ça, c'est que les Canadiens de Montréal, ils font de l'argent en perdant. OK? Ouais. On va pas se mentir. Éventuellement, s'ils ne commencent pas à gagner, ça peut les affecter. Ça va prendre du temps, là. C'est les Canadiens de Montréal. C'est une religion. Là, on parle d'une religion, OK? Ouais. Mais au basket, là, à chaque game, les Warriors, ils viennent. Tu ne penses pas que c'est vendu, ça, là? Ouais, LeBron, puis les Celtics. Les Celtics à Montréal. Les Sixers avec Ben Simmons, Joel Embiid. Écoute, c'est une ligue de superstars. Quand Beckham est venu, on a mis le match au stade olympique. Puis Zlatan et Ivanovic, j'ai l'impression que si Zlatan vienne, ça va être la même affaire. Écoute, je te dis, puis les gens vont rire de moi, OK? Mais demain matin, là, je fais une promotion. Match d'exhibition NBA au stade olympique entre les Cavaliers et les Warriors. Je mets 50 000, 60 000 personnes. Je suis convaincu. OK. Je suis convaincu, là. Si Beckham a attiré 60 000 personnes, parce qu'oublie pas que les fans de soccer, là, qui étaient au stade olympique, puis ceux qui étaient au baseball, c'est pas des fans de hockey en passant. C'est des fans de sport. Ouais. Il y en a un pourcentage qui vont aller voir un petit peu de hockey, mais dans ces 60 000-là, il y en a au moins 30 000 qui vont venir voir du basket. Ouais. Tu comprends-tu? Ces autres 30 000. Moi, demain matin, là, tu me dis, Pascal, on book les Cavaliers contre les Warriors. L'année prochaine, en match d'exhibition, on met un terrain de basket en plein milieu du stade olympique. Je te le dis, Danny, il y a 50 000 personnes, les yeux fermés. Ouais, probablement. Hey, question, on va aller ailleurs, OK, parce que là, on va aller ailleurs, Pascal, parce que là, on peut en parler longtemps. Je veux te parler des Raptors. Est-ce que les Raptors contre Cleveland, leurs deux défaites récemment à Cleveland, ça va jouer dans leur tête? Oui, puis non. Moi, je pense que oui. Ben, premièrement, Kyle Lowry a décidé d'aller voir son université gagner un championnat NCAA. Ouais. Lundi soir, quand il savait qu'il y avait un match le mardi et le mercredi contre les 2 et 3 de sa conférence. Okay? C'est peut-être pas la meilleure décision. Je le blâme pas personnellement. Mais t'es pas le 7e joueur de cette équipe-là. T'es le meneur. T'es un joueur étoile. Va dans la ville dormir. Parce que contre Cleveland, il y a 5 points. Osé Calderon l'a tué. Ah ouais. Fait que là, on sait très bien à quelle heure ça a fini, ça. C'est-à-dire que lui, il est rentré dans les petites heures du matin dans un red eye, comme on dit. Puis il est arrivé à la game, ça paraissait qu'il était fatigué. Selon moi, il aurait juste dit, regarde, je joue pas aujourd'hui. Tu comprends-tu? Fait que le côté mental, Danny, dans les séries, sont très importants. OK. Je pense que Toronto, sur 7 matchs, s'ils ont l'avantage du terrain, sont capables de battre les Cavaliers en ce moment, selon moi. Mais le X-Factor, tu sais très bien, c'est LeBron James. OK. Et il faut absolument que DeMar DeRozan et puis que Kyle Lowry jouent à un niveau, pas comme LeBron James, mais à un niveau à la Kevin Love, exemple. OK. Parce qu'ils doivent jouer à un niveau d'étoile. Tu peux pas... C'est quand la dernière fois que LeBron James a fait en bas de 10 points? Écoute, il a battu le record de Michael Jordan. Ben oui, c'est sûr. OK. Kyle Lowry se présente 5 points. T'es numéro 1, là. OK? Puis la raison pourquoi ils ont battu Boston le mercredi chez eux, parce que Boston a perdu Kyrie Irving pour 4 à 5 mois. Kyrie Irving, c'est fini. Ah oui. Boston, en ce moment, là, je suis même pas convaincu qu'ils vont gagner leur première ronde de série. Là, ils sont deuxième. Oui, probablement qu'ils vont passer, mais demain. Ils jouent en deuxième, Danny? J'ai pas regardé. C'est contre la 7e. Moi. Washington. Oh, tabarouette. OK. Oh, tabarouette. Premièrement, à Toronto, là, Brogdon puis Mathieu Dellavedova reviennent pour les Bucks. Ça sera pas facile. Ouais. Si la saison finissait aujourd'hui, c'est Toronto contre Milwaukee. Ça sera pas facile. Et ça va être Boston contre Washington. Washington menait par 17 au début du quatrième quart contre les Cavs. Hmm. Avec le retour de John Wall. Il n'y avait pas de défaite. Les Cavs sont venus, ont gagné le match, là. Mais Washington, Gortat, Washington, là, n'est pas l'équipe que Toronto, que Boston veut voir en première ronde des séries. Ouais. Et Washington, en passant, ils veulent tout faire pour rester septième pour jouer contre Boston. Ben, c'est sûr que, écoute, tu perds ton leader, ça doit faire, ça fesse, là. Peu importe l'équipe, là, ça fesse. Et l'ironie de tout ça, c'est que Cleveland risque de jouer contre Miami. En passant, Miami ont battu Cleveland toute la saison. Ouais. LeBron, quand il va à Miami, il va trop dans les clubs, il va trop se reposer. Mais là, LeBron va être en deuxième vitesse. Pas convaincu, moi, que. Je pense que LeBron James dans sa formation apporte déjà, faut jamais les compter comme battus. C'est comme les Penguins de Pittsburgh avec Sidney Crosby. Ah, non. Écoute, je serais pas surpris que Cleveland passe puis se rende en finale cette année. Ben ouais, c'est ça que je te dis. C'est comme les Penguins de Pittsburgh avec Sidney Crosby. Faut pas les considérer comme battus. Pascal, on se reparle, c'est quoi? On va se reparler. Là, on va augmenter la collaboration toutes les semaines maintenant. Fait que c'est les séries, ça commence quand? C'est jeudi prochain? C'est 14 avril, je pense. Au 14 avril. Donc, à partir de la semaine prochaine, on se parle toutes les semaines. Comment on fait à toutes les années? Excellent, Danny. À bientôt. Pascal Jobin, le collaborateur de Bas-